Nous sommes en compagnie de Nicolas Vivert et nous parlons des comètes. Comment découvre-t-on aujourd'hui les comètes et qui les découvre ? Alors évidemment, la découverte des comètes, ça a été, je dirais, pendant plusieurs siècles, un petit peu l'apanage des amateurs. Mais maintenant, je dirais, et c'est Survey là, qui ont pour objectif premier de découvrir tous les objets astéroïdaux qui pourraient menacer la Terre, qui entre guillemets ratissent le ciel, donc observe tout ce qui bouge dans le ciel jusqu'à des magnitudes très faibles, magnitude 18, 19, hein, donc des objets qui sont des centaines, voire milliers de fois plus faibles qu'à l'œil nu, qui, en détectant ce qui bouge, détecte des astéroïdes, mais aussi des comètes. Alors maintenant, évidemment, eux découvrent les comètes quand elles sont loin, quand elles ne sont pas très actives, et les amateurs qui avant découvraient avec leur simple paire de jumelles une comète quand elle était déjà suffisamment près du Soleil pour être, mettons, magnitude 10, 9, maintenant ne découvrent plus ces comètes à ce moment-là, puisqu'elles ont été découvertes, il y a 6 mois à l'avance, par ces gros télescopes et tout ça. Mais les amateurs aussi commencent à chercher des objets faibles. Alors ça veut dire que on a de plus en plus de comètes qui s'appellent LINEAR ou NIR ou d'ailleurs il y a un satellite qui permet de l'Agence spatiale européenne qui permet aussi de découvrir des comètes, je pense à Ulysse hein, ou SO. Et c'est plus, il s'appelle plus Ponce, il s'appelle plus Shoemaker-Levy, il s'appelle plus, enfin c'est des machines, c'est plus des hommes. Hein. Alors c'est un petit peu compliqué parce que parfois il y a des choses qui sont, il faut pas uniquement se fier au nom des comètes. C'est vrai qu'il y a des comètes qui portent des noms d'acronymes hein, qui sont des télescopes comme LINEAR ou NEAT, donc le NEA dedans c'est Near Earth Asteroid hein, donc c'est des objets qui ont pour objectif de détecter des objets qui astéroïdaux, des robots. Voilà, alors c'est des programmes d'observation. Souvent il y a derrière ça il y a des systèmes automatiques pour exploiter les clichés, et puis d'autres fois il y a plus de personnes, c'est à dire qu'il y a en ce moment, je crois que ça s'appelle le Catalina Survey, mais qui découvre aussi beaucoup de comètes, même plus que LINEAR. Mais toutes ces comètes-là, maintenant, elles portent des noms d'astronomes qui sont ceux qui sont responsables du survey. Donc, c'est des comètes qui s'appellent Hill, qui s'appellent Christensen et tout ça. Mais c'est le même principe, si on veut. Quel est le principe, d'ailleurs, de donner un nom à une comète ? Pourquoi une comète porte-t-elle un nom ? Alors ça, la règle, par contre, elle est inchangée depuis longtemps. C'est on a toujours donné le nom du découvreur. Alors, à concurrence de trois découvreurs, donc les trois premiers découvreurs, si on peut montrer que les soit qu'ils travaillaient ensemble, soit qu'ils ont découvert indépendamment sans avoir connaissance de la découverte de l'autre, donc de la comète. Donc il y a deux choses. Il y a un numéro dont en 1995 on a changé un petit peu la règle. Avant il y avait deux numéros, maintenant il n'y en a qu'un seul qui en fait nous permet de déterminer quand a été découverte la comète. Si on prend un exemple. Je peux prendre un exemple, mais 2006 P1, qui est la comète McNaught par exemple. 2006 c'était l'année de la découverte. Le P c'est une lettre, donc on défile tout l'alphabet qui correspond à la quinzaine de l'année, c'est-à-dire qu'il y a deux lettres par mois. Donc P ça va correspondre au mois d'août 2006, et 1 c'était la première découverte dans cette quinzaine en question du mois d'août. Et après ça on met le nom du découvreur. Et si on pense avoir observé une comète dans son instrument, on informe qui, on appelle qui est habilité à justement reconnaître la paternité. Alors là, c'est toujours le même organisme depuis le début, hein, c'est le bureau central des télégrammes de l'UAI qui se trouve à Harvard. Donc là, il faut leur envoyer un message donc avec les informations précises sur l'objet. Ne pas se précipiter non plus. En général, ceux qui découvrent des comètes sont quand même des gens qui sont expérimentés et qui savent maintenant, surtout que maintenant c'est plus réservé aux néophytes, mais plutôt des gens spécialisés. Donc quand on découvre une comète, avant de revendiquer tout de suite que c'est sa comète, on a un objet, on précise la position à laquelle on l'a observé, éventuellement sa luminosité, et c'est eux qui, en recevant ces positions-là, vont pouvoir déterminer s'il s'agit d'un objet connu ou pas, déterminer une première orbite et éventuellement demander une confirmation à d'autres personnes. Parce qu'en général, à moins d'être quelqu'un qui est vraiment un habitué des observations des objets, ou justement comme les télescopes automatiques, les LINEAR, les NIT, qui eux découvrent pratiquement des dizaines ou voire des centaines d'astéroïdes chaque nuit, donc eux traitent pratiquement tout automatiquement. Donc si c'est un amateur, donc au bureau central des télégrammes, là, donc ils vont chercher des confirmations de la nouveauté de l'objet, éventuellement pour avoir d'autres positions pour préciser l'orbite. Et quelquefois, c'est au bout de quelques jours qu'ils vont donner le nom. D'abord, il y aura le numéro provisoire, puisque lui, on peut le donner directement quand on sait que l'objet a été découvert. et après ça donc donner un nom si ce n'est pas une ancienne comète. Récemment, il y a des Japonais qui ont en fait redécouvert une comète périodique qui a été perdue depuis un siècle. Il vaut mieux être japonais, américain que français, d'après ce que je vois quand même dans les listes des découvreurs. Il y a des meilleurs endroits, peut-être à cause de la position sur le globe ou la qualité du ciel. Je crois que c'est plus tout à fait vrai. Enfin, les découvertes sont réservées à ceux qui observent, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que si on est dans le nord de la France, on a moins de beau temps que si on est dans l'Arizona, où les Japonais ne sont pas forcément plus gâtés que les Français. Mais dans les dernières comètes découvertes, ça vient un petit peu de toutes les nationalités. Il y a des Américains, il y a un Suisse récemment avec Michel Horry. Il habite, je crois, pas très loin de Genève, donc c'est... Oui, le ciel est à peu près pareil que, voilà. qu'en France. Quoi. Et bon, je crois qu'il y a aussi des Polonais qui, et puis des gens d'Europe de l'Est, un peu de partout en fait. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans l'hémisphère sud, en particulier les Australiens et Néo-Zélandais étaient favorisés parce qu'il n'y avait pas de survey automatique pour détecter des astéroïdes. Donc ils avaient encore la possibilité de découvrir des comètes assez brillantes parce que personne d'autre irait chasser sur leur terre, si on veut. Et en moyenne, il faut quoi ? Il faut 10 ans, 20 ans pour découvrir une comète ? En nombre d'heures, on sait ce que ça donne. Il y a une statistique qui a été faite autour de ce sujet ? Alors, point de vue statistique, je crois que parmi les... D'ailleurs, je ne sais plus si c'était Don McColls aux États-Unis qui avait fait un peu des statistiques ou qui comptait exactement le nombre d'heures de recherche cométaire qu'il faisait pour en découvrir. Et je crois qu'il arrivait à peu près à l'heure de 1000 heures de recherche pour découvrir une comète. Mais à l'époque où c'était des découvertes visuelles. Maintenant, c'est un peu plus difficile à quantifier parce que, mais c'était vraiment qu'une valeur moyenne parce que je crois qu'en particulier lui, Don McColls, ça lui arrivait comme ça de passer quelquefois 5000 heures sans découvrir une comète et après ça de découvrir deux comètes de suite à 100 heures d'intervalle, quoi. Oui, c'est un peu la loterie quand même. Oui, mais je crois que c'est ceux qui observent vraiment qui découvrent. Il voilà. Y a eu des comètes découvertes aussi par des observateurs d'étoiles variables. C'est-à-dire c'est les gens qui ont l'œil sur le ciel. Hein, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que même Michel Horry a découvert une comète, mais en cherchant des astéroïdes. Hein. Il s'est occupé d'observer des astéroïdes et c'est un petit peu par hasard, si on veut. Mais c'est un hasard qui est quand même forcé par l'assiduité, je dirais, de l'observateur. Alors, l'autre intérêt de la communauté scientifique pour les comètes, c'est bien évidemment leur importance dans la formation du système solaire, mais j'allais dire dans cette fois-ci la formation des planètes, et en particulier au moment où les grands bombardements météoritiques et cométaires ont dessiné un certain nombre de surfaces planétaires. Ça peut être celle de la Lune, mais ça peut être aussi celle de la Terre. On sait que la Terre a été bombardée par des comètes, et aujourd'hui, on s'intéresse justement à cette histoire-là. Est-ce qu'on sait si le débat aujourd'hui de savoir si l'eau des océans, par exemple, sur Terre, est en grande partie due aux comètes, est résolu ou pas ? Est-ce qu'on a tranché cette question, par exemple ? Non, on a apporté plus de questions que de réponses. Plus. Ce qui est certain, comme on disait, c'est qu'il y a eu un grand nombre de comètes à tomber sur Terre. Même d'ailleurs, les derniers modèles d'évolution du système solaire, il y a ce qu'on appelle aussi le modèle de Nice, qui prévoit dans ce modèle donc, ce qu'on appelle le bombardement tardif, là, 800 millions d'années après la formation du système solaire, qui expliquerait les gros cratères qu'on a sur la Lune, les formations des bassins, et qui lui dit qu'il y a un grand nombre d'objets, notamment la ceinture de Kuiper, qui sont des noyaux cométaires, qui sont tombés sur l'intérieur du système solaire. Ils ont même pu quantifier le nombre de comètes qui tombaient sur Terre. Donc on sait qu'il y a eu des comètes à tomber sur Terre. Mais notre gros problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'eau des comètes est enrichi en deutérium par rapport à l'eau des océans terrestres d'un facteur 2. Alors, ceci dit, c'est l'eau, le rapport deutérium sur l'hydrogène mesuré jusqu'à présent dans 4-5 comètes. On sait qu'il y a des milliards de comètes et elles ne viennent pas toutes du même endroit. Et malheureusement, d'ailleurs, je crois que sur ces 4-5 comètes sont toutes des comètes qui viennent du nuage de Oort. On n'a encore jamais mesuré ça dans les comètes qui viennent de la ceinture de Kuiper. Donc pour l'instant, notre analyse n'est pas complète. Donc on n'a pas encore, comme je disais, certains modèles prévoient probablement que ce rapport deutérium sur l'hydrogène n'était pas le même partout dans la nébuleuse primitive. Donc le débat reste ouvert. Voilà, le débat reste ouvert. Ouais. Ceci dit, ça montrerait quand même que probablement une partie de l'eau des océans terrestres ne vient pas du type de comète qu'on observe maintenant. Alors, ce débat sur l'impactisme en particulier, donc qui mêle astéroïdes et comètes un peu dans un même groupe, ressurgit sans cesse. Évidemment, quand on parle de la fameuse disparition des grands dinosaures il y a 65 millions d'années, on parle d'une comète qui aurait pu heurter la Terre 10 km de diamètre, avec un impact imaginé du côté de Yucatan, oui. Hein, au Mexique. Ça veut dire aujourd'hui qu'on s'intéresse aussi aux comètes qui sont des objets qui nous frôlent, ou en tout cas qui pourraient un jour rentrer en collision avec nous. Alors on a suivi avec beaucoup d'intérêt il y a quelques années la mission Deep Impact, hein, qui avait pour objectif de faire rentrer en collision un morceau d'une sonde en quelque sorte et une comète, non pas pour essayer de la dévier, mais en tout cas pour comprendre quelle était sa physique de surface. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours de la science-fiction d'imaginer que on puisse, si on était menacé par un objet de ce type-là, intervenir et le dévier? Est-ce que ça reste totalement fantasmatique, ou est-ce que c'est une question qui sérieusement peut être posée? Je pense que ça peut être posé, mais alors le problème, ça va être plus pour posé pour les astéroïdes que pour les comètes, parce que on a toujours aussi voulu associer les comètes, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, à des malheurs. Alors c'est peut-être pour ça qu'on se dit encore que les comètes vont menacer la Terre, en pensant plus aux comètes qu'aux astéroïdes. Mais alors le problème, comme je disais, c'est que les comètes, même si maintenant on les découvre plus longtemps en avance, probablement surtout une comète qui vient du nuage de Oort, donc qu'on découvre tardivement, ça sera trop tard pour faire quelque chose avant qu'elle arrive sur Terre. Ça prendra plus de temps d'aller sur la comète pour la dévier qu'il en faudra pour qu'elle arrive. Par contre, bon, c'est les astéroïdes dont on connaît à longtemps l'avance de la trajectoire. Là, il se pose la question, évidemment, de comment les dévier. Alors, donc, la comète, ça ne sert à rien, parce qu'une fois qu'on C'est pas forcément que ça ne sert à rien, parce que dans ces astéroïdes, il existe peut-être des comètes éteintes, et puis des comètes aussi qu'on appelle la famille de Jupiter, là, qui viennent de la ceinture de Kuiper initialement, et qui ont des orbites assez courtes. Ce qui n'est pas inutile, je dirais, par rapport peut-être à la mission Deep Impact, c'est que c'est une mission qui nous permet de connaître un petit peu mieux la nature du matériau et la fragilité. Parce que le problème, c'est si on veut dévier un objet, c'est comment le faire. Il ne faut pas s'y prendre n'importe comment, parce que si on ne fait que fragmenter l'objet, c'est-à-dire qu'on avait au départ un noyau de 10 km et puis on se retrouve avec 1000 morceaux de 1 km, on va tout prendre dans la figure et on sera incapable de les arrêter tous, quoi. Donc c'est un petit peu ça la difficulté, quoi. C'est, première chose, c'est si on doit faire quelque chose, c'est comment s'y prendre. Donc mieux connaître, je dirais, la cible. Donc le premier objectif, c'est vraiment bien de connaître la physique de la comète elle-même avant d'imaginer quoi que ce soit. Oui, alors ceci dit, pour en revenir aux comètes, peut-être même par rapport à la mission Deep Impact, peut-être qu'une des solutions, c'est utiliser l'énergie, je dirais, qui viendrait de la comète, puisque apporter une énergie extérieure pour la dévier, à savoir jouer sur ce qu'on appelle les forces de réaction dues au dégazage. On sait que de fait de leur propre activité, certaines comètes voient leur trajectoire se dévier de passage en passage. Certaines comètes comme ça arrivent avec quasiment un jour de retard, ou même une fraction de jour de retard à leur passage au soleil suivant, c'est-à-dire au bout de 6 ans, elles ont pris une demi-journée de retard du fait de leur propre activité. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie dans le dégazage et ça retarde. Alors si on a par exemple 5 ans devant nous, parce qu'on sait qu'une comète à son prochain passage va heurter la Terre, si on peut créer une nouvelle zone active qui la retarde ne serait-ce qu'une demi-journée. En une demi-journée, la distance parcourue par la Terre est largement suffisante pour que la comète passe à côté. Voilà, on ne manque pas de solution. En tout cas, théorique. Voilà, théorique. C'est... Mais si on a le temps devant nous, il y a des possibilités, quoi. Alors, vous le disiez, il y a des missions en cours et puis des missions dont on attend beaucoup de choses. Vous participez vous-même en tant que co-investigateur d'un instrument sur la sonde Rosetta, donc la sonde de l'Agence spatiale européenne qui est partie il y a déjà quelques années. Rappelez-moi la date. De mars 2004. Mars 2004 et qui arrivera en 2014, voilà, si mes souvenirs sont bons, du côté de la comète. Churyumov-Gerasimenko. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'abord, quel instrument vous avez conçu sur ce satellite? Et ensuite, qu'est-ce que vous attendez comme observation, comme information de ce lointain objet? Alors, il y a plusieurs questions. Moi, je n'ai pas vraiment conçu un instrument, mais j'ai participé au test et puis maintenant, la recette en vol d'un instrument qui s'appelle MIRO, qui est un petit radiotélescope. Hein, mon sujet favori, c'est la radioastronomie. Mais la grosse différence entre la mission Rosetta et toutes les missions précédentes sur les comètes, enfin, il y a deux grosses différences. La première, c'est que là, on emmène quasiment un laboratoire sur place pour analyser in situ une comète. Et la deuxième, surtout, c'est qu'on va suivre une comète en fonction du temps. comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, on a vu des comètes, au maximum, on les a observées pendant quelques heures quand on est passé à côté, ce qui nous donne une image instantanée d'une comète. C'est une photo. Alors maintenant, on va faire un film. On va voir une comète, la comète donc Churyumov-Gerasimenko. On va l'explorer d'une distance de 4 unités astronomiques du Soleil, quasiment jusqu'à 1,2 unités astronomiques du Soleil quand elle est au plus près du Soleil, et puis après ça, quand elle s'éloigne. Donc on va la voir s'allumer, entre guillemets. On va voir donc apparaître ce dégazage et tout ça. Donc on va voir comment évolue une comète en fonction du temps. Et surtout, donc, on a beaucoup d'expériences sur place. Donc on a une dizaine d'expériences sur la partie orbiteur, puis un module qui va se poser à la surface d'une comète avec une dizaine d'expériences aussi. Et on va faire sur place toutes les analyses chimiques qu'on veut et physiques du noyau de la comète. Pourquoi celle-ci particulièrement? Pourquoi Churyumov chez Gerasimenko? Alors après ça... Je l'ai pas bien dit en plus. En fait, c'est Churyumov-Gerasimenko. J'ai eu l'occasion de croiser les deux découvreurs russes. Ah oui? Oui. Justement, à propos de... On a eu une émission des congrès pour préparer la Deep Impact. Quoi. Et ils avaient été invités. Donc, on les connaît bien. Donc, cette comète a été choisie... presque à contre-cœur, mais pour des questions, disons, de trajectoire. Quoi. C'est-à-dire que j'ai à contre-cœur parce qu'initialement, ce n'était pas celle-là qu'on voulait voir. On avait prévu d'aller voir la comète Virtanen. Virtanen, W. Voilà, avec un W. Qui était, et on devait, parce qu'on devait décoller un an plus tôt, et puis arriver même presque deux ans plus tôt. Mais bon, il y a un contre-temps dû à la fusée Ariane qui nous a obligés à changer de cible. Ceci dit, bon, c'est des comètes qui restent un peu similaires, donc c'est des comètes qui sont, on appelle la famille de Jupiter, c'est-à-dire des comètes qui sont initialement issues de la ceinture de Kuiper, qui ont vu leur, donc leur orbite raccourcie jusqu'à une durée de l'ordre de 6 ans et demi pour faire un tour autour du Soleil, pour la raison qu'il faut que ce soit une comète qui soit à peu près dans le plan orbital des planètes, hein, dans le plan de l'écliptique. Hein. La différence que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais entre la ceinture de Kuiper, c'est que c'est un disque qui est au-delà de Neptune, mais à peu près dans le plan orbital des planètes, tandis que le nuage de Oort, lui, est isotrope, c'est-à-dire que c'est une sphère. Quoi. Donc là, l'avantage, donc, ces comètes qui viennent peupler ce qu'on appelle la famille de Jupiter sont des comètes avec une inclinaison assez faible, donc ils voyagent à peu près dans le même sens que les planètes, donc c'est plus facile de se mettre en orbite autour d'un objet qui voyage dans le même sens qu'à contresens. Donc la vitesse relative, il faut qu'elle soit pratiquement zéro au niveau quand on va arriver, alors que à contrario, dans le cas de la comète de Halley qui voyageait à un contresens, on avait des vitesses relatives de 200 000 km/h. Et c'est un film de quelle durée? Combien de temps Rosetta va suivre la comète? Alors, ce qui est prévu exactement, c'est donc la première phase d'exploration de la comète va débuter autour d'août 2014. Quand on sera à quelques centaines de kilomètres, on commencera à faire une cartographie. Quoi. On va l'approcher progressivement. On fait une correction de trajectoire vers mai 2014 pour être vraiment à peu près à la même vitesse que la comète et se mettre plus ou moins en orbite. Mais on a une gravité très faible, donc on va plutôt suivre la comète. Donc, août 2014, on commence à cartographier le noyau. Novembre 2014, on a suffisamment connu le noyau. On va déposer l'atterrisseur à la surface. On est encore à plus de 3 unités astronomiques du Soleil, donc la comète est quasiment inactive. On espère qu'elle ne sera pas trop active pour pouvoir déposer tranquillement, je dirais, l'atterrisseur. Et on va suivre la comète jusqu'à fin 2015. Donc ça va nous faire un an et demi pratiquement de suivi de la comète, si tout se passe bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un objet actif, hein, ce n'est pas un objet inerte comme un astéroïde. Donc près du passage, au plus près du Soleil, il faudra faire attention. Et en attendant 2014, évidemment, vous êtes en vacances. Alors pas tout à fait, parce qu'il faut préparer les choses et puis on a, je dirais, des répétitions si on veut avec des survols en cours de route. Donc là en septembre dernier, on a survolé l'astéroïde Steins. Donc on fait un petit peu de science. Hein. Bon, pour ceux qui s'intéressent donc aux vestiges de la formation du système solaire, il existe aussi des astéroïdes. Pas aussi passionnant que les comètes, mais évidemment. Mais on va survoler un autre astéroïde d'ici un peu plus d'un an, qui est l'astéroïde Lutetia, là, le 10 juillet 2010. Qui lui a l'avantage, alors c'est un gros astéroïde, hein, contrairement aux petits astéroïdes qu'on a observés jusqu'à présent, mais d'avoir ce qu'on appelle un type un peu plus primitif, c'est-à-dire c'est un objet qui est probablement plus riche en éléments légers, en éléments carbonés que Steins, qui est plutôt un astéroïde de type rocheux, et, voire métallique. Hein. Ramener du matériau, c'est essentiel. C'est-à-dire, ramener un morceau de comète, c'est vraiment... On ferait des choses vraiment différentes que simplement de l'observer à distance ou en radio. On aurait besoin de cela. Alors, c'est complémentaire parce que, bon, on a déjà ramené, si on veut, avec la mission Stardust, quelques milligrammes maximum, par microgramme de poussière cométaire. La difficulté pour le matériau cométaire, c'est d'en ramener, c'est de le conserver. Là, en l'occurrence, on avait uniquement des grains qui avaient été chauffés par l'impact sur le collecteur Donc on n'a absolument aucune information sur la phase gazeuse, enfin phase glace même. Si on veut ramener un gros morceau de comète, il y a des projets de mission du côté d'ailleurs de la NASA de ramener jusqu'à 1 kg de matériaux cométaires prélevés sur place. Ça pose beaucoup de questions. Il faut savoir, est-ce qu'on va la ramener, est-ce qu'il faut prévoir un système cryogénique pour le conserver à une température de moins 100, moins 200 degrés. Et évidemment, après ça, si on peut avoir ça dans le laboratoire, on fera des tas d'analyses. Il nous suffit de quelques grammes pour mesurer tous les rapports isotopiques dont je parlais tout à l'heure. Alors, l'option de Rosetta, c'est différente, c'est on envoie le laboratoire sur place, on y a même des microscopes dans Rosetta pour, par exemple, prendre des images des grains de comètes. Il y a tout ce qu'il faut pour analyser la composition chimique. Et pour l'instant, c'est plus simple d'envoyer le laboratoire sur place que ramener les échantillons au laboratoire terrestre. Est-ce que les étoiles filantes, dont on sait qu'elles sont des poussières de comètes, quand elles sont identifiées appartenant à telle comète qui est passée à tel moment, est-ce que leur observation vous donne des informations sur la nature de la comète, puisque lorsque la poussière se désintègre, elle a une signature? Oui, mais je crois pas qu'on ait beaucoup d'informations. On a essayé justement avec un collègue de détecter quelques molécules. On pensait surtout à CN, qui est radical, qui vient de la molécule l'acide cyanhydrique HCN qu'on détecte avec comète. Mais je crois pas qu'on ait d'observations positives de composition. En général, bon, le problème c'est quand on observe justement une étoile filante, un grain qui probablement n'est qu'un résidu genre sec, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de glace, plus de matériaux volatiles, qui tombe dans l'atmosphère de la Terre, il va brûler. Et ce qu'on va surtout voir, c'est l'émission des molécules de l'atmosphère terrestre qui sont chauffées par le grain, quoi. Je ne peux pas conclure cet entretien, Nicolas Biver, sans vous demander à quand la prochaine grande comète. Faut-il se préparer dès maintenant au grand spectacle? Est-ce qu'on a des éléments d'information qui nous disent dans 5 ans, dans 10 ans, attention, il y a un grand spectacle, ou finalement ça peut arriver demain? Alors moi je vais vous dire, si vous me demandez de prévoir la météo à 5 ans ou 10 ans, je ne pourrais pas être plus précis. Je demande à un climatologue, pas la météo, mais non, alors, l'ascendance. Voilà, on sait, ce qui est précis dans les comètes, c'est les trajectoires. Enfin, c'est assez précis, c'est-à-dire qu'on sait où vont être les comètes qu'on connaît actuellement dans 10 ans, dans 50 ans, dans un siècle et tout ça. Donc si je vous dis, bon, si on veut des comètes spectaculaires qui passent près de la Terre par exemple, il y a une comète qui peut être intéressante, c'est une comète périodique qui va passer en octobre 2010 à un dixième d'unité astronomique de la Terre, qui est la comète Hartley 2, qui devrait, si elle est aussi brillante que lors de ses précédents passages, atteindre la magnitude 3-4 où elle sera visible à l'œil nu. Alors c'est d'autant plus intéressant parce qu'on en a parlé un petit peu, parce qu'elle va être survolée par ce qui reste de la mission Deep Impact. Le module de survol va surveiller cette comète-là à ce moment-là. Donc on sera très intéressé par cette comète-là. Donc ça c'est un an et demi. Dans 2 mois on a une comète qui est la comète 2007 N3 Lulin, qui sera peut-être à la limite de visibilité à l'œil nu. Si on veut une comète spectaculaire, là j'ai pas vraiment de choses à vous annoncer de connues dans les 10 ans qui viennent. Mais bon, si on veut faire des pronostics à plus long terme, la comète de Halley sera mieux visible en 2061 qu'elle l'a été en 1986. Bon, parfait. Alors, donc, rendez-vous en 2061. Là, on fait le calcul. Hein. Chacun se souviendra. Certains se souviendront du passage de la comète de Halley en 1986, qui a surtout permis de découvrir l'hémisphère sud et la température des eaux du côté de l'île Maurice et de la Réunion. Merci, Nicolas Biver, d'être venu nous parler des comètes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.